Maurice Boué, Le cadavre qui tue. Chapitre 1er. Les cinq femmes du noyer. Il y avait foule ce jour-là devant l'Institut médico-légal. Que s'était-il donc passé? Je m'arrêtai un instant devant tout ce monde et j'écoutai. Les dialogues s'échangeaient, confus. J'entendais « Quelle affaire! C'est incroyable! Cela ne s'est jamais vu! » « C'est inexplicable, tout à fait inexplicable. Aurait-on cru cet antidérapant capable de commettre de tels actes ?» J'étais intrigué. J'interrogeai la personne qui me parut être la plus compétente, une matrone lipue, solennelle et exubérante. Mon flair m'avait bien guidé. Je fus tout de suite renseigné. « Il s'agit, me dit ma digne informatrice, d'un homme qu'on a retiré de la Seine au quai d'Anjou hier matin. On l'appelait Monsieur Croupion. C'était un cul de jatte, ou plutôt un faux cul de jatte. On le voyait roulant dans un petit chariot en implorant la charité. Mais ce métier-là lui rapportait pas mal de pèse, paraît-il. Et c'est cet homme de bien qui s'est noyé ? Qui s'est noyé ? Ou qu'on a noyé ? Un crime ? Peut-être, monsieur, on le dit. C'est pourquoi tout le monde veut voir le malheureux ? Oh non, c'est bien pis. Aussitôt que l'homme eut été retiré de l'eau, on l'apporta ici. L'après-midi, une femme vint le reconnaître. Elle déclara que c'était son mari et qu'il s'appelait Célestin Croupion. On croyait que le cadavre était identifié, comme on dit. On ne s'attendait pas à toutes les surprises que cachait cette affaire. Une heure ne s'était pas écoulée qu'une seconde femme reconnaissait son mari dans le cadavre et déclarait qu'il se nommait Monsieur Lenoir. Ah ! Ce n'est pas tout ! Le soir même, une troisième affirmait que le noyé était son époux et qu'il se nommait, si mes souvenirs sont exacts, Monsieur De Tal. C'est drôle. Drôle, monsieur, mais c'est horrible ! Et ce n'est pas tout ! Ce matin, deux autres femmes sont venues déclarer que le Maccabée était leur époux. Si bien qu'on ne sait plus, à l'heure présente, qui est exactement l'homme qui repose sur la dalle funèbre et qui, bien que n'ayant qu'un corps, possède cinq personnalités. Comme vous dites, monsieur, et l'on s'attend à tout instant à voir de nouvelles veuves du noyer. À ce moment, j'entendis prononcer mon nom derrière moi. Je me retournai et j'aperçus mon ami, le détective Lautrec. « Comment, vous ici ? » m'écriai-je. « Vous vous occupez donc de cette affaire ?»« Oui, mon cher. » Lautrec me fit signe de l'accompagner. Je le suivis après avoir remercié mon aimable informatrice. « Tout cela, me dit le détective, n'est pas aussi drôle que vous semblez le croire. » J'ai vu de loin votre sourire sceptique et vos dernières paroles m'ont appris que vous êtes au courant de cette extraordinaire affaire qui, pour se présenter au premier abord, sous un aspect des plus comiques, n'en est pas moins, au fond, mystérieuse et tragique au possible. Je dirais même que je n'ai pas eu souvent à m'occuper d'un drame aussi profondément énigmatique. L'homme était, vous le savez, un faux cul de jatte. Cinq femmes déclarent formellement reconnaître en lui leur époux et elles lui attribuent cinq noms. L'autopsie a démontré que cet étrange noyé était mort avant d'avoir été jeté à l'eau. On n'a pas relevé d'échymose et les médecins n'ont pu établir si la mort fut naturelle ou s'il y a eu crime. On n'a trouvé aucune pièce d'identité dans les poches du cadavre. Celui-ci n'offre aucun signe particulier, aucune difformité. Pour un cul de jatte, c'était un homme rudement bien constitué. Vous êtes incorrigible. Mon ami pénétra aussitôt, en m'entraînant derrière lui, dans la pièce funèbre où reposait le mystérieux noyé. C'était un homme d'une quarantaine d'années, de corpulence moyenne. Nez droit, pommettes saillantes, barbe très touffue, taillée à la Henri IV. Lautrec l'examina. Puis, se tournant vers un homme que je reconnus pour être un inspecteur de la police judiciaire, qui, en maintes circonstances, avait prêté son concours à mon ami, « Rien de nouveau, Bélé ? » demanda-t-il. « Une sixième femme s'est présentée ce matin, qui, tout d'abord, déclara reconnaître son mari dans le noyer. mais quand on l'interrogea, elle hésita et prétendit qu'un doute subsistait dans son esprit. Elle tergiversa et enfin, après un nouvel examen, elle manifesta le désir de s'abstenir. Elle se retira donc. Elle est partie sans se faire connaître ? Oui. C'est regrettable. Quel est son signalement ? Une dame du monde, grande, svelte, brune, très jolie, les traits réguliers. Elle était vêtue de noir. Lautrec réfléchit un instant. Il inscrivit quelques notes dans son calepin, puis, me prenant par le bras, il m'entraîna. « Comment expliquez-vous tout cela ? » lui demandai-je. « Je n'explique rien. Je dois avant tout étayer mes hypothèses sur des faits précis. Pour l'instant, je ne puis, comme vous, que me poser des interrogations. » Et mon ami marcha à mon côté sans mot dire. Il était plongé dans ses réflexions et semblait ignorer ma présence. J'étais habitué à ses façons d'agir et je me gardais bien d'interrompre le cours de ses pensées. N'ayant rien d'autre à faire, j'imitais Lautrec. Je pensais au cadavre du cul de jatte et à ses cinq femmes. Que signifiait ce mystère ? Fallait-il admettre que le défunt eût poussé l'héroïsme jusqu'à convoler cinq fois en juste noces, ou bien, ce qui eût été plus extraordinaire encore, qu'il ressemblât à quatre hommes disparus au cours de la même nuit ? Quatre sosies ? Non, il n'était pas possible que cinq hommes offrissent entre eux une ressemblance telle que leurs propres épouses se fussent méprises sur leur identité. La nature crée parfois deux êtres qui, à première vue, semblent être sortis du même moule. Mais c'est là un phénomène si rare que les savants le citent comme une anomalie. Et même dans ce cas, lorsqu'on étudie de près les deux sujets, on relève une infinité de traits distinctifs qui les différencient. Je pensais, ces cinq femmes se sont trompées ou ont voulu tromper la justice. À ce moment, mon ami m'arrêta. « Je viens de deviner votre pensée à la façon dont vous avez hoché la tête en regardant machinalement une passante. Vous vous êtes dit, comme François Ier, bien folle et qui s'y fit. Vous croyez que les cinq femmes du défunt nous ont trompées. Je l'avais pensé aussi, mais je puis vous affirmer qu'il n'en est rien. J'ai travaillé déjà, hier et ce matin, j'ai vu les cinq épouses et je les ai confrontées. » Toutes ont été également affirmatives et j'ai pu m'assurer qu'elles disaient la vérité. Et vous savez combien il est difficile de me convaincre. Tout cela est bien étrange, fis-je. Très étrange en effet, répéta Lautrec. Au fait, voulez-vous me prêter votre concours, cher ami? Vous me savez dévoué. Merci, je serai fort occupé cet après-midi et votre aide me serait précieuse. Voici ce qu'il faudrait faire. Je vais vous donner les noms attribués aux noyés par les femmes qui déclarent reconnaître en lui leur époux. Vous vous procurerez leurs adresses en consultant le bottin. Vous vous rendrez chez eux, mon cher ami, et je vous serai très obligé de vouloir bien me faire connaître le résultat de vos recherches. Je crois que maintes surprises déconcertantes vous attendent. Elles vous distrairont agréablement. Je compte donc sur vous. Lautrec me donna la liste de cinq noms. Célestin Croupion, Félix Lenoir, Maxime de Tal, Désiré Chelard, Théodore Lauré. Puis il me serra la main et partit.